L'instructeur Yannick Jean des Saguenay Lac-Chicoutimi a obtenu son millième match en carrière la semaine passée. Question un peu de connaître un peu comment il a trouvé ça. On lui parle. Salut Yannick. Salut. Quand il y a 1000 matchs, tu commences à faire des matchs. Quand tu as fait ton premier match, t'imaginais-tu que tu allais être rendu à 1000? Non, définitivement pas. OK. Tout, lorsque j'ai commencé, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui duraient aussi longtemps que ça. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose sur lequel je m'étais fixé des objectifs, mais je suis content d'y être parvenu. Avant d'y arriver, tu ne te rends pas nécessairement compte, mais rendu là, tu te dis, oups, ça fait vraiment là, un gros chiffre, le 1000. Qu'est-ce qui a changé le plus? Est-ce que le jeune, tu as vu le jeune changer beaucoup depuis du premier match au milieu match? Es-tu la même façon que tu diriges ou vraiment il faut être plus à l'écoute, il faut être plus conciliant? Qu'est-ce qui a le plus changé avec le jeune? Ouais, il faut, faut on peut pas compter d'histoire aux jeunes. OK. Sont informés, sont renseignés avec tous les moyens mis à leur disposition. Aujourd'hui, c'est vraiment l'école qui est la priorité. Puis c'est vraiment le développement de l'individu qui est au cœur de notre quotidien. Je pense que si tu veux durer longtemps dans ce métier-là, tu te dois de t'ajuster. Puis, c'est important de s'ajuster année après année aux générations, aux jeunes qui changent. Ça, c'est sans aucun doute. OK. C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu te vois comment, là? Est-ce que tu te vois au moins 1500, 2000 matchs? Tu commences à faire des matchs, Non, je n'ai pas d'objectif en termes de nombre, puis d'années ou peu importe. là? OK. Si on y va une année à la fois, il me reste ouais, encore 4 ans de contrat après cette saison ici à Chicoutimi. Je suis bien. Mon objectif, c'est de travailler année après année dans un milieu où est-ce que c'est facile de faire du hockey. Quand tu travailles pour des propriétaires, quand tu travailles pour Ouais. des gestionnaires de qualité, si tu te lèves à chaque jour, à chaque matin, tu te lèves puis tu t'en viens au bureau avec le sourire, en ayant le plaisir de faire ce que tu aimes. Donc, tu sais, mon objectif, c'est de continuer à faire ce métier-là dans des bonnes conditions. Puis je calcule qu'ici, à Chicoutimi, c'est des conditions idéales pour faire du hockey junior. OK. Yannick, si on parlait un peu, mais j'imagine qu'en vieillissant, faire des 10-12 heures d'autoroute, d'autobus à Halifax, Val-d'Or et ainsi de suite, ça doit commencer. On doit venir à être tanné, allons. Non, non, Non? honnêtement, c'est pas quelque chose. Moi, je le dis tout le temps, toutes les fois que j'embarque dans l'autobus, je suis content, je suis bien. Tu sais, je prends le temps justement pour, peu importe, pour passer du temps avec moi-même ou soit passer du temps à travailler sur notre équipe, faire du vidéo, du coaching, de la gérance ou peu importe. Mais non, je trouve pas, j'ai jamais trouvé ça difficile de faire de l'autobus. Je suis OK. quand même là, une facilité d'acclimatation à différentes situations. Donc, c'est pas difficile pour moi d'embarquer dans le boss. Les Saguenay, 32 points, c'est quand même. Je me rappelle d'avoir fait une entrevue avec toi l'été passé. Tu disais on est en rénovation, on n'est pas en reconstruction. C'est quand même. Es-tu surpris un petit peu de la saison jusqu'à là? Moi, je veux dire, en affaire, il semble que vous faites mieux que prévu. Oui, ça va. Tu sais, ça va mieux que prévu en termes de résultats. OK. Ça va mieux, surtout mieux que prévu en termes de processus. Je pense qu'on a une qualité d'individu, une qualité de jeunes qui voulaient que ça marche, qui ont fait tout en leur pouvoir, justement, d'amener beaucoup de constance, leur meilleur game soir après soir. Puis, à venir jusqu'à maintenant, on a beaucoup de plaisir là, à faire du hockey cette saison. Okay. Bon, la période limite des échanges s'en vient. J'imagine que tu vas être vendeur. Est-ce que le téléphone a sonné? C'est quoi ta stratégie? Est-ce que tu entends peut-être attendre à la fin puis laisser monter les enchères? Non, pas du tout. Non? Moi, là, si j'ai la possibilité d'échanger des joueurs de 19-20 ans pour du futur, je vais le faire. Première des choses. Moi, j'haïs ça quand il y en a qui nous niaisent jusqu'à la fin. Donc, là, OK. je veux que les gens me respectent là-dedans. Lorsque j'ai le prix que je me suis fixé, je niaiserai pas pour des peccadilles. C'est-à-dire, Ouais. J'irai pas essayer d'attendre une semaine de plus pour aller chercher un choix de 9e ronde supplémentaire si j'ai eu le prix fixé au départ. Donc, pour moi, c'est pas une question de je veux les faire au début ou à la fin ou peu importe. Il n'y a aucune stratégie là-dedans. J'ai des prix fixes pour mes joueurs. Puis, si jamais il y a quelqu'un qui va là, je vais le faire. Puis, d'un autre côté, si personne ne va là, ben, j'ai toujours des plans B comme j'ai fait l'année passée. Alors que j'essayais d'échanger Mercer et Wood, je n'ai pas été capable. Donc, on a entré Dubé et la France. Fait que c'est à la dernière minute. Donc, j'ai des plans B partout, B, C, D, E, mais le plan A, il reste si je suis capable d'échanger des vieux joueurs, des joueurs de 19 ans, 20 ans, je vais le faire. Le téléphone doit sûrement sonner pour Félix Lafrance. Est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour le moment? Il y en a pour la France, il y en a pour d'autres aussi. C'est pas juste la France, c'est pas juste les autres. C'est toutes nos les joueurs, toutes les ligues qui s'informent pour nos joueurs au moment où on se parle. Yannick, je vais te poser une question maintenant pour notre joueur du Haut-du-Lac. C'est évident, il vient du Haut-du-Lac. Je te pose la question. Comment va le début de saison de Fabrice? Un bon début de saison, honnêtement. Je dirais que depuis là, peut-être une 15 à 20 matchs, là, il est solide pour nous. Il joue de la bonne manière, il joue bien des deux côtés de la glace. Puis, je pense qu'on est au stade là, à 18 ans, au fait rendu à 18 ans, qu'il est ancré dans la ligue. C'est un joueur junior, puis on est capable d'y donner de plus en plus de responsabilités. Donc, non, il fait bien ça, il travaille, il est assez constant le soir après soir, là, depuis un mois, en tout cas, il nous donne du gros hockey. Hey, Yannick, deux questions sur le championnat de hockey junior. Quatre joueurs. Joshua Roy, je suis un petit peu surpris et qui n'a pas été choisi. Est-ce que c'est le fait que c'est un choix de cinquième ronde, ça l'a un lien? Non, le Hockey Non. Canada, là, il s'en fiche. Où est-ce que tu es repêché? Où est-ce que tu étais repêché? Puis où est-ce que tu viens? Ils veulent la meilleure équipe possible. Quand tu veux gagner une médaille d'or, ben, tu t'organises pour avoir les meilleurs joueurs qui fitent à l'intérieur de la meilleure équipe. Donc, ils veulent la meilleure équipe possible. Ils ont des décisions à prendre. Puis, tu sais, il y en a plein des Joshua Roy partout au Canada. Toi, ça t'intéresse-tu éventuellement? Tu es un vétéran de la Ligue junior-major du Québec. C'est Louis Robitaille qui a remplacé André Tourigny. Éventuellement, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait? Moi, je me rappelle avoir parlé avec Gilles Bouchard, puis lui, ça ne l'intéressait pas. Gilles, à l'époque, était à Rouyn-Noranda. Il dit, on est parti 3 semaines, notre équipe, on est loin de notre équipe. Moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Toi, ça t'intéresse-tu? Bon, ça dépend. Il y a je peux dire, il y a des années que ça peut faire mieux que d'autres, mais ce n'est pas quelque chose que je veux faire nécessairement à tout prix. Comme tu dis, c'est beaucoup de sacrifices, mais les gens, ils pensent qu'ils sont partis juste un mois, mais c'est 2 journées de meeting depuis le mois de mai l'année passée, Équipe Canada Junior, donc à toutes les semaines. Donc, il faut arrêter de penser que c'est seulement ce qu'on voit. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, c'est très demandant. Puis, tu sais, ça dépend de la bonne opportunité. Est-ce que c'est le Hockey Canada qui approche ou c'est toi normalement qui postule ou des fois ça dépend toujours de la situation? Ça dépend de la situation. Ben Yannick, je te souhaite de joyeuses fêtes, bonne année, bravo pour le travail avec les Saguenay de Chicoutimi pour le plaisir de se parler, puis bravo pour ton 1000e match. Merci à toi. L'instructeur-chef et directeur général des Saguenay de Chicoutimi, Yannick Jean. Merci Yannick, merci. Merci à toi.